éternelle. La vie des femmes incroyables qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une femme dont le travail a permis l'une des plus grandes découvertes scientifiques du XXe siècle, mais dont le nom a longtemps été mis de côté, Rosalind Franklin. Rosalind Franklin naît en 1920 à Londres. Très brillante, elle choisit de faire des études scientifiques à une époque où peu de femmes sont encouragées dans cette voie. Elle devient spécialiste de la cristallographie au rayon X, une technique qui permet d'observer la structure des molécules invisibles à l'œil nu. Au début des années 1950, elle travaille au King's College de Londres sur l'ADN, la molécule qui contient toutes les informations génétiques de notre corps. Les scientifiques savent que l'ADN est essentiel à l'hérédité, mais ils ignorent encore sa forme précise. En 1952, Rosalind Franklin réalise une image décisive, appelée plus tard la photo 51. Cette photographie montre clairement que l'ADN possède une structure en double hélice. Son travail est rigoureux, précis, méthodique. Au laboratoire, sa relation avec son collègue Maurice Wilkins est marquée par un malentendu. Il pense au départ que Rosalind travaille sous sa direction, alors qu'elle mène en réalité ses propres recherches. Des tensions s'installent. C'est dans ce contexte que la photo 51 est montrée sans l'accord de sa réalisatrice à James Watson qui travaille avec Francis Crick. En s'appuyant notamment sur ses données, il publie en 1953 le modèle ADN de la double hélice. Rosalind Franklin meurt en 1958 à seulement 37 ans, probablement en partie à cause de son exposition répétée aux rayons X. En 1962, le prix Nobel de médecine est attribué à Watson, Crick et Wilkins. Officiellement, Rosalind Franklin ne pouvait pas être distinguée car le règlement du prix Nobel interdit de récompenser une personne déjà décédée. Mais au-delà de cette règle, son rôle n'avait déjà pas été pleinement reconnu. Pendant longtemps, l'histoire a surtout retenu des noms masculins alors que son travail avait été essentiel. Ce n'est que des années plus tard que les historiens des sciences ont remis en lumière l'importance de ces recherches. Parler de Rosalind Franklin aujourd'hui, c'est montrer que dans l'histoire des sciences, de nombreuses femmes ont vu leur contribution minimisée ou attribuée à d'autres. Reconnaître son nom, c'est aussi redonner une place à toutes celles dont le travail a été essentiel mais qui n'ont pas été mises assez en avant.